Et maintenant, plus tu perds ça, je relève les yeux de mon petit écran. La lumière de télé me bouche l'horizon. Je n'ai plus rien à ma petite, n'ai plus de rêve. Mais tu ne m'aimerais pas le plat du cerveau. Mais comment j'en ai qu'un, ils sont mon Sonic. Le seul panneau est pour cette allo unique. Sega, je suis plus fort que toi. Sega, je ferai la peau. Sega, je suis plus fort que toi. Yeah.